Macbeth convainc alors deux individus que Banquo est le responsable des malheurs qui leur arrivent et leur demande de se préparer à tuer Banquo et son fils sans que rien laisse supposer que lui, Macbeth, est le commanditaire de ces assassinats. Macbeth retrouve ensuite Lady Macbeth. On a dépensé tout pour ne rien avoir. Quand on a obtenu son désir sans satisfaction, mieux vaut être celui qu'on détruit que vivre par sa destruction dans une joie pleine de doutes. Entre Macbeth. Qu'avez-vous, monseigneur? Pourquoi restez-vous seul, faisant vos compagnes des plus tristes rêveries et nourrissant des pensées qui auraient bien dû mourir avec ceux auxquels elles pensent? Les choses sans remède ne valent plus la réflexion. Ce qui est fait, est fait. Nous avons entamé, madame, mais non tué le serpent. Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même, et notre haine misérable sera comme auparavant, exposée à ses morsures. Mais puissions-nous voir craquer la machine des choses et s'abîmer les deux mondes, plutôt que de manger toujours dans la crainte et de dormir dans l'affliction de ces rêves terribles qui nous agitent chaque nuit. Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé reposer pour gagner notre place que d'être soumis par la torture de l'esprit à une infatigable angoisse. Duncan est dans son tombeau. Après la fièvre convulsive de cette vie, il dort bien. La trahison a tout épuisé contre lui. L'acier, le poison, la perfidie domestique, l'invasion étrangère, rien ne peut le toucher désormais. Allons, mon doux seigneur, déridez ce front renfrogné. Soyez serein et enjoué ce soir au milieu de vos convives. Je le serai, mon amour. Et vous, soyez de même, je vous prie. Que vos attentions se concentrent sur Banquo. Conférez-lui la prééminence par vos regards et par vos paroles. Tant d'inquiétudes où il nous faut laver nos honneurs au torrent des flatteries et faire de notre face le masque de notre cœur pour le déguiser. Ne pensez plus à cela. Oh, pleine de scorpions et mon âme, chère femme, tu sais que Banquo et son fils vivent. Mais l'image de l'humanité n'est pas éternelle à eux. Oui, il y a là une consolation. Ils sont attaquables. Sois donc joyeuse. Avant que la chauve-souris ait fait à tire-d'aile son tour de cloître, avant que l'appel de la noire Hécate, l'escarbot aux ailes d'écaille et de ses bourdonnements sourds sonne le carillon sonnelant du soir, il sera fait une action d'un formidable éclat. Quelle action? Ah, chère poule, sois innocent de la confidence jusqu'à ce que tu applaudisses à l'exécution. Viens, noir fauconnier de la nuit, bande les yeux sensibles du jour compatissant, et de ta main sanglante et invisible, arrache et mets en pièces le fil de cette grande existence qui me fait pâlir. La lumière s'obscurcit, et le corbeau vole vers son bois favori. Les bonnes créatures du jour commencent à s'assoupir et à dormir, tandis que les noirs agents de la nuit se dressent vers leur proie. Tu t'étonnes de mes paroles, mais sois tranquille. Les choses que le mal a commencées se consolident par le mal. Sur ce, viens avec moi, je t'en prie.